Salam, cet audio va se focaliser sur un peu la pseudo-dissidence, on va dire ça comme ça, et les complotistes acharnés. Hein. Pourquoi complotistes acharnés? Parce que complot il y a. Allah, l'exalté soit-il, dans le Coran, dans le Saint Coran, en fait mention, il n'y a aucun problème sur ça, mais il y en a certains qui sont acharnés, qui ne voient que ça, et qui ont une vision très binaire. Très estropié de l'histoire, un socle théologico-historique très saturé. Enfin, soit, c'est plus, on va dire, cet audio va plus se focaliser sur cette mode. Parce que pour moi, c'est une mode. C'est-à-dire que là, cette pseudo-dissidence n'est rien d'autre qu'une mode. Je veux dire, il y a 10 ans dans le terrain, il y a 10-15 ans, on les voyait pas, on les entendait pas quoi. Je veux dire, c'était plus les pseudo-salafis chéristes, pro-Saoud, hein, la bande Rabih et compagnie qu'on avait devant nous, les pro-laïcars, les Qadariens, les Rawafid. Enfin, je veux dire, voilà, c'était une autre école. Donc c'est plus une mode. Et pourquoi j'en ai jamais vraiment parlé? Pour la simple bonne raison que pour moi, ils n'étaient pas très intéressants. Sincèrement, pas très intéressant, puisque comme toute mode, je me suis dit, elle va s'estomper. Le problème, c'est que depuis le cas syrien, on va dire que ça a un peu augmenté. Donc l'influence de la pseudo, entre guillemets, dissidence, qui n'a rien de dissident, d'ailleurs, a commencé un peu à se développer. Et il y a plusieurs causes, hein, il y a plusieurs facteurs, et éléments à prendre en considération pour essayer d'expliquer ce phénomène. Mais en fin de compte, ils sont quelque part, quand on voit la chose avec plus de recul, ils sont similaires à ceux qui attaquent, quoi. Qui croient attaquer, plutôt. Déjà, le dessin de cet audio va suivre deux couches de lecture, deux axes. Le premier mire serait d'abord de, si vous voulez, d'essayer de comprendre un peu le carcan psychologique, sociologique de ces pseudo-dissidents, ces complotistes acharnés, et ensuite prendre un cas réel, donc un cas contemporain d'actualité, de fait actuel, la Syrie, et donc reprendre leurs arguments, donc leurs arguments répétitifs, qui sont généralement très très très confus, dénués de socle théologique, très, très très léger, on va dire ça comme ça, pas trop sérieux, et leur répondre, Inch'Allah. Enfin, leur répondre, je ne suis qu'un facteur. Je ramènerai les paroles des chouyours et des spécialistes par rapport à ça. Si vous voulez, la symbiose, un peu comme dans une chora, la symbiose entre la labellisation licite ou non, donc la touche islamique et la personne, si vous voulez, la spécialisation personnifiée tout simplement de ce même sujet. Donc voilà, je ne suis qu'un facteur. Donc en gros, premier plan. Le carcan psychologique pour essayer de comprendre cette vague, ce phénomène. Et deuxième plan, reprendre tous leurs arguments point par point et leur répondre, bi-idhnillah. Inch'Allah, leur répondre avec qarra, qarra sur et preuves historico-politiques. Donc, le premier axe, le carcan psychologique. Comment comprendre un peu ce phénomène, cette mode, ces gens-là? Déjà, ce qui est à prendre en considération, ce qui est important, c'est que dans cet audio, je vise, si vous voulez, c'est un peu une touche, un peu, on va dire, célinienne, je provoque un peu la réflexion, parce que au fond de moi, je les aime, ce sont mes frères et mes sœurs, qui sont malheureusement qui sont un peu égarés, égarés dans certains cheminements, dans certaines visions. Donc, bon, c'est un peu péjoratif de dire que je vise, hein, ça fait un peu le chasseur qui tire sur la cible. Et voilà, c'est un peu pour les booster, pour les réveiller, parce que là, les mecs, ça va plus. Donc je reprends. Ce que je vise, c'est plus cette extension, si vous voulez, cette parcelle de populace de la pseudo-dissidence musulmane. Donc je parle des musulmans. Hein. Donc celui qui n'est, qui par exemple, celui qui n'est pas musulman et qui écoute cet audio, il peut bien l'écouter, il n'y a aucun problème. Mais comme je vais rentrer aussi bien dans un cheminement. Dans un socle, si vous voulez, dans un carcan théologique codifié par la parole des anciens comme contemporains parmi les spécialistes théologiens, et aussi une touche historico-politique et rationnelle, tout simplement, pour essayer de répondre. Il n'y a aucun problème, hein, si le non-musulman veut écouter cet audio, mais pour qu'il comprenne mieux, si vous voulez, le schéma l'optique schématique de cet audio, c'est que je vise tout simplement et que je parle à cette populace musulmane qui suivent ce mouvement-là, la pseudo-dissidence et le complotiste acharné. Donc déjà, c'est à eux que je m'adresse. Et en même temps, si vous voulez, donc dans la pseudo-dissidence, il y a les suiveurs, un peu comme toute idéologie, hein. Donc il y a les suiveurs et il y a les têtes. Les têtes, personnellement, je leur en veux pas. Parce ils disent des bonnes choses. Le seul problème, c'est que, et en même temps, ils ont forcé personne à les écouter. Je veux dire, ceux qui se réclament de la dissidence, même si ces têtes-là, ces représentants ne sont pas pour moi vraiment des dissidents, puisque au pire, qu'est-ce qu'ils risquent? Je veux dire, une désactivation de Facebook, deux, trois huissiers, voilà. Enfin, je veux dire, quelque part, on est un peu loin du Moudjahid qui est sous la chaleur irakienne, ou du Moudjahid tchétchène au Cachemire, aux Philippines, qui combat depuis des décennies, qui n'ont pas attendu le Liban en 2006 et les caméras braquées sur eux pour faire du show, quoi. Je veux dire, eux, ils ont pas le temps de s'exprimer, quoi. De temps en temps, ils s'expriment, mais je veux dire, la plupart du temps, ça fait des décennies qu'ils combattent, fisabilillah, l'empire, le vrai. Hein, parce que certains sont braqués en disant qu'il y a un seul empire, c'est l'américain, l'américanisme. Non, c'est faux. Il y a plusieurs empires quand on a un socle théologique, et on s'en fiche royalement de la vie des autres. Dans le sens où, à partir du moment où tu jubiles en toi un carcan orthodoxe islamique, tu t'en fiches royalement de la vie des autres. Donc, déjà, voilà, c'est pas vraiment les tenants, les têtes de la pseudo-dissidence que je vise, parce que voilà, ils ont forcé personne. Et qu'en même temps, ils disent de bonnes choses. Donc, faut être un peu armé, si vous voulez. C'est un peu comme l'anglaise et le body. Tu vois, c'est un peu comme le body quand tu fais l'anglaise, quoi. L'anglaise, la boxe anglaise, c'est important. Puis tu fais le body un peu, si tu veux, dans l'ordre de l'accessoire. Ben, c'est pareil pour certaines têtes. Certains représentants de la pseudo-dissidence, il y a de bons trucs à en tirer. Hein. Un peu comme chez tout le monde. Hein. D'ailleurs, j'ai la politique suivante, la veritas, tu la prends d'où elle est. Donc, il n'y a aucun problème sur ça. Mais c'est plus cette population-là, cette tranche musulmane. Hein, les pseudo-dissidents. Hein. En même temps, ce sont des pseudo-dissidents du week-end, hein, les mecs. Hein. Parce que durant la semaine, ils travaillent pour le système, ce même système. Qu'ils critiquent à longueur de journée en disant à bout, l'OTAN, l'ONU, mais en même temps ils travaillent pour eux. Enfin, soit, c'est pas grave. Donc, la racine, comment ça se fait que voilà, il y a cette vague de pseudo-musulmans, enfin de musulmans pseudo-dissidents, etc., qui ne jurent pas que par tel, mais sans par-ci, par-là, enfin, soit. Déjà, la racine, c'est quoi? C'est que dans le champ francophone islamique, la plupart des prédicateurs, malheureusement c'est un fait, voilà, je ne suis pas heureux de le dire, mais c'est un fait, c'est un constat, la plupart des prédicateurs sont apolitiques. Donc ils vont vous parler de mariage, c'est très bien, mariage, mariage, mariage, limite tu vois une affiche de loin, tu sais que c'est une affiche porteur de conférence, avant de la voir, avant qu'elle soit visible, tu vas déjà deviner que ça va parler de mariage. Donc c'est bien beau le mariage, d'accord, puis ça parle un peu du comportement avec le voisin, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si vous voulez, ça rentre un peu plus. Enfin, je veux dire, il faut que ça rentre un peu plus dans la politique, dans l'actualité. Pourquoi? Parce que le réceptif de la jeunesse musulmane a besoin de ça. Vous voyez, la jeunesse, parce qu'il y a plusieurs hadiths annonciateurs sur la jeunesse musulmane, le renforcement. Si vous voulez, de la jeunesse musulmane, elle est importante. Et donc, ils ne trouvent pas vraiment, ils trouvent pas vraiment réponse à ce que leur cerveau et leurs oreilles veulent entendre. Vous voyez? Et quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se tournent vers des gens qui, à première vue, ont l'air de défendre un peu les musulmans, etc., qui sont dans cette religion antisioniste. Je l'appelle la religion antisioniste parce qu'à la base, bien sûr, l'antisionisme, il faut l'attaquer. Mais l'antisionisme est une extension du kofr, du shirk, que tout musulman doit attaquer. Donc, il faut pas être seulement antisioniste. Il faut être anti-kofr. Idéologiquement, dans certaines contrées, physiquement, dans d'autres, quand il n'y a pas le choix. C'est ça, je vais dire, quelque part, c'est ça, la ilaha illallah. Vous voyez? Donc en fait, voilà, la racine, c'est quoi? C'est que c'est ce manque. Donc ils voulaient combler cela, donc cette jeunesse-là. Elles se sont tournées vers certains penseurs, certains pseudo-dissidents. Mais le problème, c'est qu'ils n'étaient pas assez armés. Vous voyez? Un socle théologique assez pauvre. C'est sans aucune prétention, je le dis, c'est la réalité. Ou bien, quand celui-ci avait un certain socle théologique, c'était plus proche de la pensée des néo-Mourji. Hein, pour donner un petit jargon un peu populaire, un laxisme islamique, mal codifiée. Enfin, donc, même quand c'était une certaine culture à termes quantitatifs, c'était une culture erronée, saturée et fausse. Et résultat, en fait, c'est que quelque part, on est tous un peu responsables. Mais voilà, c'est pour essayer de comprendre un peu la racine de la chose, hein. Parce que pour voir l'arbre, faut regarder la racine quelque part. C'est que, voilà, il y avait un vide. Les prédicateurs étaient apolitiques. Ils te parlaient que de mariage. Ils te parlaient que de la Zulikha d'à côté doit porter le foulard. Mais ce qui est très bien, hein, je suis pas en train de ricaner de cela, parce que ça fait partie du fiqh, ça fait partie de l'islam, de la jurisprudence islamique, il n'y a aucun problème sur ça. Mais ça ne parlait que de ça. Donc la jeunesse musulmane était un peu perdue. Donc elle s'est retournée vers certains penseurs. Et puis voilà, ça a été une avalanche, une avalanche, une avalanche d'endoctrinement, on va dire ça comme ça. Parce que le réceptif n'était pas assez armé pour prendre et filtrer ce qui était bon et rejeter ce qui était mauvais. Donc voilà. Donc à la base, mon audio veut plus s'adresser à cette parcelle de la population. Voilà. Ensuite, psychologiquement, malheureusement, je ne sais pas à quoi c'est dû. Hein, j'en sais rien. Je ne sais pas c'est quoi. Enfin, je sais pas c'est quoi le projet par rapport à ça. Je ne sais pas comment c'est venu. Mais j'ai remarqué que ce sont souvent des gens très hystériques. C'est-à-dire, en fait, limite, on dirait qu'ils ont la même pathologie que les personnes qui dénoncent, à savoir les sionistes. Hein. En fait, à partir du moment où, parce que voilà, ça reste ton frère, ça reste ta soeur en islam, mais tu n'es pas d'accord avec lui sur un fait d'actualité. Dans l'ordre des enjeux géostratégiques, géopolitiques, tu dis non, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. À partir de ce moment-là, limite, les sobriquets arrivent et fusent de tous les côtés. Tu es un sioniste, tu es un agent de l'Empire, tu es un wahhabo skateboarder fan de Francis Lalanne. Je veux dire, il y a que des sobriquets. Donc il y a une sorte d'hystérie. Mais vraiment, à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec eux sur un point, agent de l'Empire, idiot utile, enfin d'ailleurs je vais répondre à tout ça plus tard, Inch'Allah, dans la deuxième couche de lecture, idiot utile, sioniste, wahhabo-sioniste, etc., juste parce que tu ne partages pas son point de vue. Donc, ils ont une certaine hystérie. Psychologiquement, je ne sais pas si c'est une pathologie, j'en sais rien, c'est un problème psychologique, je ne sais pas, mais ils ont ça. C'est limite très sectaire, hein. Très très sectaire. Alhamdoulilah, pas tous. Il y a certains, on va dire, qui ont une certaine maturité analytique et qui prennent du recul et qui comprennent qu'en fin de compte, lui comme moi, comme nous tous, comme tout le monde, on est sujet à l'erreur. Donc il y a une certaine, si vous voulez, une certaine voilà, maturité, un côté humble. Mais certains, c'est voilà quoi. Le mec, quelque part, si Dailymotion n'aurait pas existé, ben, il aurait continué à regarder, je sais pas moi, May Beach, Alerte Malibu, et puis voilà quoi. Tiens, enfin, je veux dire, c'est. Voilà, psychologiquement, souvent ils sont très hystériques. Ensuite, il y a quelque chose qui est un peu plus léger, mais ça me fait rire, c'est que souvent ces gens-là pensent, et ils sont convaincus, hein, il suffit de juste observer leur morphopsychologie quand ils disent, ils pensent vraiment qu'ils ont une pensée subversive. C'est-à-dire qu'en fait, en disant, par exemple, voilà, on va prendre des petits exemples par-ci par-là, en disant Ben Laden. Donc, Cheikh Oussama Ben Laden, rahimallah, en disant Ben Laden, agent de la CIA, Tim Osman, en disant tous les mujahidines sont financés, tous l'OTAN, tous des wahhabo-sionistes, etc. Ils pensent sincèrement qu'ils sont subversifs. Vous voyez? Et regardez leur visage, limite le mec il se croit marginal, rebelle, le mec qui a tout compris, tu vois, le mec qui a part. J'ai tout compris, vous êtes tous des idiots. Mais il y a un gros problème là, les mecs. Mais cette pensée-là devient une des pensées les plus conformistes qui existent en ce moment. Même la Zoulira des Chichabars tient ce discours, hein. Je vous rassure, hein. La Zoulira des Chichabars qui, excusez-moi du terme, n'a qu'à offrir à l'humanité que son fessier, elle pense pareil, hein. Je veux dire, ouais, les laïcars, vive les gouvernements anti-mondialistes, Ben Laden CIA, Thierry Messant, il a raison, enfin je veux dire, voilà. Voilà, quelque part, c'est pas très glorieux de partager le même avis que ce genre de personnes. Mais je veux dire, il n'y a rien de plus conformiste. Hein. Il n'y a rien de plus conformiste qu'avoir cette idée-là. Il y a deux axes, si vous voulez, il y a deux axes conformistes. Et c'est pas parce que la caste officielle des médias dit certaines choses qui sont contraires aux vôtres qu'automatiquement vous êtes subversif. Non, il y a deux pensées totalement conformistes. Il y a celle de la caste des médias officiels. Hein, qui touche un peu plus, voilà, le côté bourgeois, le côté bobo, etc. Et certaines personnes qui sont loin de tout ça. Un peu ce qu'on appelle l'ammé en islam, quoi, le type qui se limite pas trop, qui écoute vite fait des infos. Il y en a beaucoup. Et la vôtre, les pseudo-subversifs. La ligne, voilà, Ben Laden, CIA, agent de l'Empire, tous les Moudjahidines, agent de l'Empire, etc. Une confusion, voilà. Le seul rempart contre l'axe américain sioniste, ce sont les Russes, l'Iran, etc. Enfin bref, que de la fausse subversion et rien de sérieux concernant une vraie lecture politique, l'analyse dans tous ces sens du terme. Et en fait, voilà, donc c'est une pensée totalement conformiste. C'est pour ça que ça m'a toujours fait rire, les mecs qui pensent être subversifs, non. Je veux dire, on ne vous a pas entendu pour soutenir les Moudjahidines indépendants depuis des décennies. Je veux dire, voilà, par exemple pour le cas syrien, c'est ni l'ASL, hein, et c'est ni Bachar et son régime. Vous voyez, c'est ce que vous appelez, entre guillemets, les takfiristes, un nom dont certains, la plupart d'entre vous ne connaissaient pas il y a un an. Enfin, je veux dire, à l'époque, je veux dire, il y a 10-15 ans, j'entendais ça dans les milieux, on va dire, de frères, etc., d'étudiants, d'amis qui revenaient de Mecca, de Médine, ou du Soudan, d'Égypte, qui allaient un peu étudier. C'était plus dans le milieu des Ikhwan, on va dire ça comme ça, que j'entendais ça. Maintenant, le mec, avec son iPhone rose, sa crête, son slim tout serré, il va te dire, ouais, c'est un techfiliste, l'autre. J'ai vu ça dans Dailymotion. Enfin, je veux dire, voilà, il faut se calmer, il faut que chacun revienne à sa place. Voilà. Donc déjà, c'est une pensée très très conformiste. Voilà. Et psychologiquement, qu'est-ce que j'ai remarqué? Voilà. Donc il y a 10 ans, ils n'existaient même pas. Enfin, je veux dire, voilà, on ne les entendait pas. Dailymotion est venu, Rupen, 11, attention, Ben Laden, CIA, Tim Osman. Voilà, quoi, on connaît la chanson. Et comme je dis souvent, le monde s'est divisé en deux. Ceux qui ont connu Cheikh Ben Laden, rahmallah, en 2001, en septembre, hein, et ceux qui ont grandi dans une famille dans laquelle les cassettes VHS tournaient. Hein? Où il y avait, si vous voulez, l'épopée afghane, où tu voyais Youssouf Abdallah Azam, rahimallah, un grand homme, grand savant Mujahid, aux côtés de Oussama Ben Laden, etc. Je veux dire, voilà, Cheikh Al-Outaymine en 91 et sa discussion, Abdallah Al-Bukhari, si je me rappelle bien de son nom, le salafi chiiste qu'il avait rencontré et qui crache sur lui des années après, hein, alors qu'il essaye de le discréditer, mais avec son témoignage, il lui donne plus de crédit qu'autre chose, puisqu'on voyait déjà son côté téméraire. Enfin, je veux dire, voilà, la plupart, voilà, il n'y aurait pas Dailymotion, on les entendrait pas, tout simplement. C'est, voilà, ils ont grandi avec Dailymotion, quoi. Donc, ceci étant dit, donc, cette pensée bon, totalement conformiste, le fait qu'ils n'existaient pas, tout simplement, enfin, je veux dire, voilà. J'ai remarqué aussi qu'ils sont très, très en retard. Donc, t'en as certains qui se réveillent. Qardaoui, il n'est pas bon, hein. Et les frères musulmans, il n'est pas bon. Enfin voilà, je prends ça, je prends ces deux exemples. Ils se réveillent sur certains points. Et les mecs, t'as l'impression qu'ils ont une révélation. Mais je veux dire que les frères que je connais, et les frères qu'on connaît à travers le monde, etc., avec qui on a contact, et les chiour, les savants qu'on écoute, comme Sheikh Souleymane Al-Arwan, par exemple, pour citer que lui, qui est l'un des plus, on va dire, l'un des plus connus, hein, ou bien Sheikh Al-Hazimi et d'autres. Je veux dire, on vous a pas attendu. Les frères qui nous entourent et les savants qu'on écoute, ça fait des années qu'ils réfutent Qardaoui. D'ailleurs, il y a une pique sur son livre, soi-disant le haram et le halal, hein, en disant que tout est halal, le halal ou le halal, tout est halal dedans. Les frères musulmans, les frères, attention, on fait toujours une distinction entre les têtes et le suiveur. Les frères musulmans, mais ça fait des années. Parce que les frères musulmans, déjà, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui est homogène, quoi. Je veux dire, à la base, voilà, c'est hétérogène, il y a plusieurs personnes, c'est nébuleuse. Mais je veux dire, le socle même des frères musulmans, à savoir passer par le biais démocratique, faire confiance à ce biais démocratique et reconnaître certaines conditions de ce même biais démocratique avec son multipartisme, sa législation qui associe Allah dans l'ordre législatif, le shirk al-hakimiyya et tout ce que ça implique. Je veux dire, ça fait des années qu'on met en garde contre eux. Donc voilà, il y a ce côté un peu retardataire. En même temps, pour faire un petit jeu de mots, comme certains de cette mouvance sont mourgés sans le savoir, parce que certains sont vraiment mourgés, hein, quand tu les entends parler, c'est irja pur. Eh ben, sans faire de jeu de mots, voilà, le champ linguistique et juridique qu'on mettra de côté, mais le champ linguistique des mourgéas, c'est les retardataires, les gens qui sont en retard. Eh ben, c'est pareil avec les pseudo dissidents. Hein, les musulmans pseudo-dissidents, francophones en tout cas, c'est pareil, il y a ce côté retardataire. Donc c'est en retard sur beaucoup de choses. Ensuite, il y a, voilà, comme toute mouvance qui n'a pas de socle théologique pur, qu'on le veuille ou non, il y a Et on peut aller même très très loin. Même Confucius lui-même reconnaissait ses contradictions, hein, avec son idéologie. Enfin, je veux dire, Mencius, son élève, pareil, il a essayé de reprendre les contradictions de Confucius, mais il est tombé dans le panneau. Enfin, je veux dire, toute idéologie, toute mouvance, toute philosophie a ses contradictions. Et là, bon, on va pas dire que c'est une vraie philosophie, hein, c'est plus un jouet, quoi, hein, un jeu-jeu, quoi. Enfin, dans le sens, c'est pas trop sérieux, ils ont rien de dissident en eux, hein, ils travaillent tous pour le système, enfin, ils sont contradictoires. Et voilà, une de leurs aspects psychologiques, c'est la contradiction, mais totale. Parce qu'on est tous quelque part un peu incohérents, c'est la nature humaine. Vous voyez, c'est comme ça. Mais eux, c'est vraiment une contradiction énorme, mais énorme. Par exemple, un truc tout simple, ils vont dire, ouais, les tekfiris. Donc voilà, ils vont prendre une masse de moudjahidines, parce qu'ils ont une confusion énorme. Hein. Déjà, ils n'arrivent même pas à dissocier là et celle et certains groupes moudjahidines indépendants. Enfin, soit, ils vont te dire, la rébellion, ce sont tous des tekfiristes et certains des agents de la CIA. Agents de l'Empire, agents de la CIA. Mais il y a un léger problème. Tu as envie de lui dire, mais tu es en train de dire que le tekfir, c'est pas bien, c'est pas bon, alors que seul un idiot, un inculte, un incompétent, un bourricot dira ce genre de parole, parce que le tekfir fait partie de l'islam, c'est une notion islamique. Le tekfir est une notion islamique. Quand tu shahades, elle engendre une négation qui va appliquer le tekfir de certaines choses, dans l'ordre général et ensuite personnifié dans l'axe du terrain. Enfin, soit, mais il ne doit pas être abusif, parce que toutes les sectes à travers l'histoire islamique sont venues à partir d'une notion islamique et ont exagéré dessus, en prenant le tasawuf en exagérant dessus, en prenant le tekfir en exagérant dessus, et ainsi de suite, en prenant la notion de el-iman et la notion de l'i'tiqad, la véracité du cœur ou non, etc., et ont exagéré dessus. Donc il n'y a aucun problème là-dessus, c'est pas parce que des abrutis à travers l'histoire, ou certaines personnes peut-être bien intentionnées à travers l'histoire, ont pris une notion islamique, ont exagéré dessus, qu'on va la sortir de l'islam. Cette notion-là, celui qui retire une seule pratique ou une seule notion islamique, hein, une seule chose du Coran, khalas, hein, je veux dire, quelque part, il est négateur. Hein. Tu peux shahad autant que tu veux, t'es négateur. Enfin, soit. Donc, ils sont contradictoires parce qu'ils vont dire, ouais, le tekfir, les takfiristes, hein, un mot qu'ils viennent de comprendre il n'y a même pas un an, les takfiristes, ils sont méchants, les takfiristes, voilà, c'est pas bien ce qu'ils font parce qu'ils rendent mécréants, mais en même temps, ils rendent mécréants des moudjahidines et des hommes d'honneur. Parce que quand ils disent ce sont des agents de la CIA avec aucune preuve claire, hein, juste des documents de pseudo-dissidents à gauche, à droite, sur le net, éparpillés, rien de sérieux juridiquement. Dans le sens, quand je dis juridique, moi je m'en fous un peu de la juridiction européenne, française ou belge, je m'en fiche. Hein. Je parle plutôt de la jurisprudence islamique. Hein. Islamiquement parlant, ce ne sont pas des preuves chala'an légales. Hein. Enfin, soit donc en accusant tel Moudjahidine, tel homme d'honneur, d'agent de la CIA, c'est un tekfir que ces gens-là font. Donc ils sont contradictoires. Ils se la jouent anti-tekfiri, non, on n'aime pas le tekfir, mais en même temps, eux-mêmes lancent le tekfir. Parce que quelque part, faut appeler un chat un chat. Celui qui travaille pour la CIA, il a mécru de par ses actes, c'est un négateur d'islam. C'est un naqid, hein, c'est un annulatif, ça te fait sortir de l'islam. Tu as trahi la cause, tu t'es allié et tu combats l'islam. Donc, je veux dire, il faut être un peu cohérent. Certes, on est tous un peu incohérents, ça fait partie de la nature humaine, d'accord? Comme disait un peu Cicéron, voilà. Mais je veux dire, voilà, le prophète, je m'en fous un peu de Cicéron, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les enfants d'Adam font des erreurs, les meilleurs sont ceux qui se repentent, et parmi l'erreur, il y a la contradiction, il y a la cohérence envers soi-même qui va engendrer des faits licites, injustes, et ainsi de suite. C'est comme ça. Mais je veux dire, il y a cohérent, incohérence et incohérence. Donc déjà, ils sont très contradictoires, hein, le côté, voilà. Et aussi, il y a quoi aussi comme contradiction? Oui, c'est par rapport aux médias. En fait, c'est ça, c'est amusant. Parce que c'est des gens, en fait, qui te disent, on est anti-médias, ce qui est bien. Hein. Attention, je le répète. Pourquoi, si vous voulez, les pseudo-dissidents, etc., enfin, il y a du réel, je veux dire, il y a du bien en eux, il y a de bonnes choses à prendre, vous voyez? Mais voilà, faut quand même le mettre en plan, enfin, faut le préciser. Mais voilà, mais quelque part, quand ça va trop loin, ça touche à l'honneur de plusieurs moudjahidines, il faut un peu les remettre en place. Et donc, par rapport aux médias, contradiction énorme. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont anti-médias, ce qui est bien dans un certain sens, mais en fait, ils sont dépendants de ces médias. Et en même temps, une contradiction va s'ajouter. Je vous explique. Un exemple tout simple. Pour eux, tout ce que le média va dire, on prend l'opposé. Mais c'est quoi? C'est tout simplement une dépendance. Ça veut dire que si le média va dire A, ils vont dire B. Si le média va dire que le ciel est noir, ils vont dire que le ciel est bleu. Bleu, et puis ils vont dire noir. Donc c'est une dépendance aux médias, parce qu'en fait, leur vision, leur lecture du monde se base en fonction de la télévision. C'est pas un déroulement sérieux. C'est-à-dire que si le média va dire A, ils vont dire B. Mais à ce moment-là, le média va jouer deux, comme des poupées de chiffon. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'en même temps, ils te disent les médias c'est pas bien, mais quand tu vois certaines vidéos, certains montages vidéo, ou certains articles, ou certains ouvrages de ces pseudo-dissidents, ou bien de ces suiveurs, ou bien quand tu discutes avec eux, souvent pour discréditer les moudjahidines qui combattent depuis des décennies, qui n'ont pas le temps de faire des vidéos YouTube, hein, comme je dis souvent, les sahabas, ils n'avaient pas le temps d'écrire, hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des éléments de ce même média officiel pour les discréditer. Regardez en Égypte, les wahhabo-salafistes takfiristes, ils ont attaqué des coptes. Et t'entends qui? T'entends la voix de Poujadas, tu vois un montage Euronews. Quelque part, les mecs, faut être, je veux dire, faut être juste en fait. Moi, j'appelle juste à la justice. Vous voyez? Et ensuite, concernant soi-disant les moudjahidines qui attaquent les coptes, que soi-disant la lecture salafiste, après salafiste, wahhabi, ça veut tout et rien dire parce que maintenant même le gamin de 5 ans avec son iPhone tout rose et sa copine Zoulikha à côté essaie de décrire c'est quoi le wahhabisme et le salafisme. Je veux dire, les gens quand ils disent salafiste a fait ci ou a fait ça, c'est en fonction du média. Mais quelque part, les fondements, donc les fondateurs des écoles juridiques, qui sont pour même certains assez rigides, assez durs, en partant de eux, en passant par Salahaddin al-Ayyoubi, en passant par Ibn Khuzaïma, en passant par plusieurs grands sultans, en passant par le sultan Slimane, etc. Les chrétiens et les juifs ont toujours été bien accueillis, ont toujours été respectés. Pourquoi? Parce qu'il y avait le socle étatique islamique. Et un salafi entre guillemets. Je ne parle pas des salafis chéristes, hein. Parce que comme il y a des vrais dissidents, il y a des pseudo-dissidents. Des vrais subversifs, il y a des pseudo-subversifs. Et le salafi, c'est pareil. Il y a les pseudo-salafis, les vrais salafis dissidents, les vrais. Parce que l'islam est une religion, est une religion contestataire quand la structure étatique est impie, tout simplement. La structure étatique qui l'entoure est impie, à ce moment-là, elle est contestataire idéologiquement. Ça dépend les contrées, ça dépend les facteurs sociaux, et militairement dans d'autres, tout simplement. Et donc, le fait de dire, oui, on est anti-médias, mais en même temps, on va prendre les médias pour essayer de discréditer certains moudjahidines en prenant carrément un montage de Poujadas, je veux dire, il n'y a rien de sérieux. C'est la contradiction à gogo. Il n'y a rien de sérieux. Vous voyez? Par exemple, les mecs, je ne sais pas moi, quand ça va parler mal de Dieudonné, par exemple. Dans un journal comme je sais pas moi comme Le Soir ou ainsi de suite, ah mensonge, ils disent que des conneries. Mais si ça va critiquer un frère qui considère comme étant salafiste, limite c'est l'évangile, hein, ce torchon là. Et en fin de compte, non, les médias, qu'on le veuille ou non, ils peuvent pas berner tout le monde et mentir à gogo. Il y a beaucoup de mensonges, mais l'œil intelligent pourra percevoir. Par exemple, quand on va dire certains islamistes, etc., ont fait ça, tu prends en facteur le contexte géopolitique. Donc, qu'est-ce qui avantage et qu'est-ce qui désavantage telle ou telle élite, telle ou telle caste, et tu remplaces les mots. C'est plus terroriste, c'est moudjahidine. Tuer des civils? Non, tu vas voir dans. Je préfère taire le nom, mais dans certains forums, certains sites sérieux dans lesquels tu vois les moudjahidines du terrain, les vrais dissidents, dire exactement et donner un rapport de ce qui s'est passé, à ce moment-là, tu comprends mieux les choses. Tu bricoles, en fait. Et c'est vous vraiment les dépendants des médias. C'est vous, en fait, qui, indirectement, vous suivez les médias. Parce que votre dépendance se fait en fonction, si vous voulez, de ce qu'il y a devant. Si c'est A, c'est B. Donc, ils jouent de vous. Et en même temps, très important, c'est que vous prenez d'eux pour légitimer des choses qui vous portent intérêt. Alors que c'est de l'injustice. Quelqu'un qui a un minimum de connaissances islamiques, qui plonge dans les ouvrages de fiqh, de jurisprudence islamique, et qui vont dans le bab, dans les chapitres concernant le témoignage, comment se déroule un témoignage, une actualité, une information, etc., ils verront qu'ils sont très loin de tout ça. Je parle bien sûr de la pseudo-dissidence musulmane francophone. Ça, c'est très important. Ensuite, un point important aussi concernant la psychologie. C'est le manque de socle théologique. Et ça, c'est aberrant. Et je vous jure, Wallahi, Allah est mes témoins, c'est justement pour leur bien, votre bien, s'il y en a qui m'écoutent, et pour leur bien, s'il y a des frères qui ont un certain cerveau, mais qui connaissent dans leur entourage des gens de cette vague-là, c'est pour leur bien que je dis ça. Wallah, c'est sans aucune prétention, mais la plupart, ils ont un manquement théologique abusif. Mais exagéré. Ça mélange tout. Certains ont une pensée néo-morgite sans le savoir. Ça va. Je veux dire, il y a une définition du tarot complètement erronée. Wallahi, il y a des manquements théologiques très très graves. Même ceux qui vont se la jouer, Zama, imam, cheikh, etc. C'est une idée, enfin je veux dire une vision proche de des gens comme Jabiri, comme Mohamed Al-Amin ou Ibn Safwan, ou je veux dire, c'est du irja pur pour pas dire autre chose. Hein? Enfin, pour les non-musulmans et les francophones, enfin les non-musulmans qui écoutent l'audio, voilà, c'est plus une vision entre guillemets hérétique de l'islam qui est apparue il y a plusieurs siècles, qui consiste à, si vous voulez, comment traduire, comment expliquer ça, à séparer l'action du socle homogène, qui est en même temps hétérogène de la foi, parce qu'elle est hétérogène parce qu'elle a trois piliers, mais qui fondent un seul, donc homogène, à savoir le cœur, la parole et l'acte, et eux, donc les mourgés, sans le savoir, hein, parce que ceux de maintenant sont des mourgés sans le savoir, retirent, si vous voulez, l'acte comme étant chalqamel, dans le sens, enfin, comment expliquer ça? Ils essayent de le traduire, de définir comme étant une condition, vous voyez? Au lieu d'être un pilier, mais une condition d'accessoire. Ça veut dire que le vecteur d'acte n'est pas pris en compte. Donc son islamité ou non, qu'il soit bas ou qu'il soit présent, n'est pas pris en compte. Et là, ça a l'air un peu théorique, ça a l'air un peu bricoleur, etc. Mais sur le terrain, sur la vision des choses, et sur la vie sociale, sur la vie sociétale, et sur sa vie, sur son quotidien islamique, ça a des percussions, des percussions, excusez-moi, énormes. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que certains ont une vision totalement morgée. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut attaquer les extrémistes, mais d'accord, il n'y a aucun problème sur ça. Les Khawarij, ceux qui ont une notion totalement erronée, qui prennent les péchés et qui ont cette vision, à savoir que toute personne qui pêche automatiquement se vante, donc il a fait istihlal, il a rendu licite son acte, donc il s'est mis à la place de Dieu, donc il est kafir. Ça, c'est une vision totalement extrémiste et loin de la codification des savants musulmans par rapport à ce sujet-là. Et les laxistes, il faut pas oublier les deux. Et les mourgis sont des laxistes. Et ça fait quoi? Ça engendre le fait que tu entends des avalanches de conneries. Mais des avalanches de conneries du style le takfir ne fait pas partie de l'islam, du style le gouverneur, même s'il prie alors qu'il n'applique pas la loi d'Allah, il reste musulman. Enfin, je veux dire, subhanallah, c'est plus possible. C'est à l'époque du twist, ces choubouhettes, ces ambiguïtés. Voilà, enfin, je veux dire, à l'époque de Funzi, Happy Days. C'est plus possible. Ça existe encore des gens qui pensent comme ça. Subhanallah, enfin, soit. Je préfère m'arrêter parce que ça va faire partie des arguments qui vont être énoncés plus tard. Donc, il y a ce manque, mais exagéré, de socle théologique. Et pour comprendre le monde, il faut avoir un socle monothéiste, mais pur. Vraiment. Et ensuite, si vous voulez, il y aurait après le côté, si vous voulez, votre vision, enfin une vision, un cheminement, une lecture du monde ne peut se faire s'il y a le tawhid, parce que le tawhid et la compréhension islamique aident pour ensuite bricoler, avoir les outils qui vont faire en sorte que tu vas avoir une conclusion ou bien une potentielle conclusion de ce qui se passe dans le monde. Et c'est important. C'est important. Et comme disait un frère, comprends le tawhid et tu comprendras le monde. Si toute analyse ne s'effectue pas par le prisme islamique, rationnel ou suprarationnel, alors celles-ci seront inévitablement bancales. Et donc le problème, c'est que certains frères, si vous voulez, ils ont sous-estimé, voire balayé le shirk législatif au profit du pragmatisme politique et de la pseudo-dissidence russo-iranienne, etc. Bref, le show. Vous voyez? Et le problème, c'est qu'en même temps, c'est que le fait d'avoir balayé ce côté législatif, ça fait en sorte que une structure étatique humaine qui n'est pas forgée par le divin est sujet à critique dans le socle musulman. Pourquoi? Parce que la raison humaine ne peut pas définir ce qui est juste ou non. On ne peut pas. C'est impossible. On ne peut pas vraiment définir ce qui est la justice. On peut avoir des semblants de justice, mais on ne peut pas. Ce qui veut dire qu'en fait, la politique d'un autre dans le plan législatif associatif à Allah va être bénéfique et va être une bonne politique pour un et mauvaise pour l'autre. C'est pour ça que le socialisme ne met pas de tout le monde d'accord, le communisme ne met pas tout le monde d'accord, etc. C'est pour ça qu'Allah insiste sur sa loi. Dans le domaine, enfin, la législation doit appartenir à Allah. Et si vous voulez, c'est déjà ce manque de socle théologique chez beaucoup, beaucoup, beaucoup, qui fait qu'en fait leur vision devient erronée. Tout simplement, devient erronée. Et en même temps, voilà, dissidents, etc. Ils n'ont rien de dissident, je veux dire, voilà. Ils n'ont rien. Les vrais dissidents, ils n'ont pas le temps d'aller sur YouTube faire des vidéos. Ils n'ont pas le temps, aussi comme moi. J'ai jamais dit que j'étais un dissident. Les vrais dissidents, les vrais subversifs, ils combattent aussi bien les Russes que les Américains. C'est les deux. Il n'y a pas de attention, on va essayer de vous embrigader. Non, attention, le socialisme, tu peux être socialiste et musulman. Non, non, non, non, non, non. Faut, je veux dire, faut activer ses neurones. De toute façon, Allah dans le Coran nous le dit clairement. Si tu suis la majorité des gens sur cette terre, tu seras certes parmi les égarés. Et ceux qui vont dire, ouais, mais attention, ça remet en doute quelques hadiths, il faut lire le tafsir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut lire le tafsir. Il y a plusieurs hadiths qui sont similaires à ce verset-là. Dont le fameux Al-Khuraba, les étrangers. Ou bien dont le fameux hadith qui est dans le Sunan Ahmed, dans le Bukhari, dans le Muslim, même dans l'Abi Daoud. Qui dit que jusqu'au Yom al-Qiyamah, jusqu'au jour dernier, une petite partie de ma communauté sera dans le vrai. Pendant que l'autre majorité de la Ummah les regarderont avec nonchalance, seront douteux par rapport à eux. Et c'est qui en ce moment qui fait le travail? C'est qui va au charbon? C'est qui? C'est qui? C'est ceux qui font du show dans les émissions télévisées. C'est ceux qui se filment et qui vont sur YouTube. C'est ceux qui interviennent de temps en temps pour défendre les intérêts socio-économiques d'un pays plutôt que la Oumma, comme en 2006 au Liban. Je veux dire, c'est qui? C'est une petite partie de frères qui ont tout délaissé pour aller combattre fisabilillah et pour combattre les ennemis aussi bien internes que externes. Les ennemis de l'islam, point barre. Et les Khawarij, compris. Les Khawarij, donc les extrémistes parmi les musulmans font partie de nos ennemis aussi. Et font partie des ennemis, des frères qui combattent. C'est eux les vrais subversifs, c'est eux les vrais dissidents. Tout le reste, c'est du show, pour pas dire un autre mot. Et tout ce qui risque, attention, un ou deux huissiers de justice, à une petite peine de prison, parce que c'est pas vraiment qu'ils dérangent, mais en même temps ils sont un peu casse-tête, hein, parce ils sont un peu hystériques. C'est ce qu'ils se disent sûrement. Mais je veux dire, il n'y a rien de dissident. Hein. Donc faut arrêter, je veux dire, c'est terminé, hein, le twist et compagnie, faut activer ses neurones. Vous avez rien de dissident. Lundi, vous allez commencer, vous allez vous réveiller à 6 h, vous allez travailler pour le système, point barre. Enfin, soit. Donc là, maintenant, Inch'Allah, ça va être la deuxième couche, la deuxième partie de cet audio. Reprendre les arguments des pseudo-dissidents par rapport aux Cassiriens. Pourquoi j'ai choisi le Cassirien? Parce que c'est un fait d'actualité. Et donc reprendre les arguments que les musulmans pseudo-dissidents en général passent leur temps à répéter. Et d'ailleurs, ils sont très très très fatigants. Je vous le dis, hein, avec toute honnêteté, très fatigants. Parce que comme disait l'imam Shafi'i, rahimullah, quand je débattais avec des gens de science, Allah me donnait la victoire. Quand je débattais avec des gens ignorants, je perdais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème avec la plupart des pseudo-dissidents musulmans, Wallah, et que c'est vrai, c'est un manquement abusif, abusé de sciences islamiques. Et donc, il faut toujours revenir à la racine avec eux. Vous voyez, ils ont commencé par la cuisine du deuxième étage plutôt que par les fondations de la cave. Et donc, il faut toujours revenir à la racine. Et donc, ils sont fatigants. Et au bout d'un moment, cette ignorance-là, parce que c'est la plus pire des ignorances, hein, comme disait par exemple Omar Khayyam ou Hassan al-Basri ou Ibn Khuzaima, As-Suyuti, beaucoup, beaucoup l'ont dit, c'est que la plus pire des ignorances, Cheikh Al-Uthaymeen, dans l'explication du Riyad Salihin par exemple, beaucoup disent et l'ont dit que la plus pire des ignorances, le plus pire des ignorants est celui qui ignore son ignorance, parce qu'il devient hautain et il croit avoir tout compris et il est agaçant, alors t'abandonnes et il pense qu'il a gagné, d'où la parole de l'imam Shafi'i. J'ai toujours perdu avec les ignorants, dans le sens, ils sont très, très, très fatigants. Très fatigants. Enfin, ils sont facilement démontables, mais ils sont très fatigants. Enfin, soit frère, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide tous, Inch'Allah, et nous réunisse autour du tawhid pur. Ben, je vais commencer. Donc, deuxième socle, la deuxième charnière de cet audio, leurs arguments et les réponses, Inch'Allah. Un des arguments qui revient le plus souvent, c'est pourquoi les mujahidines, donc déjà il y a une confusion, parce que quand ils disent les rebelles, il y a une confusion, ASL, Faucon d'Hichem, Nosra, etc. Ben soit les indépendants, les insoumis, pour reprendre le terme de Cheikh Iyad Khonaibi, déjà ils viennent souvent avec cet argument, à savoir pourquoi les rebelles, entre guillemets, les mujahidines, n'attaque pas Israël.